بسم الله الرحمن الرحيم. طيب سي كوا لو دو باب كون ابري لا دانيير فوا؟ الباب الاول ما جاء في الكهان وما جاء في النشرة. طيب سي كوا لو حكم دو ذهاب الى الكاهن لفت دالي شان كاهن؟ اذا تعتقد كل انه هو يعرف ويعلم امور الغيب مطلقا هذا الشرك اكبر، واذا تعتقد ان هذا الخبر الذي قال لك كفر اصغر شرك اصغر. نعم اي شيء حرام الشرك. و سي كوا لو فور كونت ان كاهن عراف؟ الكاهن يزعم أن يعلم الأمور في المستقبل، والعراف هو يزعم أن يعلم الأمور التي خفية وقد مضت. النشرة سي كوا النشرة؟ النشرة سي لو في دو انلفي ان سيرم. وما حكم النشرة؟ تنقسم إلى قسمين، النشرة عند الساحر شرك أكبر. ليش؟ لأن لابد تكفر مرة أخرى، التعاون مع الشياطين فيما يجعلك تقع في الشرك. أيوة. والأخرى المشهورة مشروعة الأشياء مباح. نعم. طيب الآن سنأخذ بابا واحدا. Et comme dans le charh de Cheikh Ibn Baz, il n'y a pas. On va prendre celui de Cheikh Othaymin, Akhtisar. Car il a, apparemment, ça n'a pas été enregistré, donc ça n'a pas été réécrit dans le livre. Donc on va aujourd'hui prendre le Akhtisar de celui de Cheikh Othaymin, Rahimahullah Ta'ala. قال باب ما جاء في التطير ما جاء في التطير ce qui est venu à propos du tatayur. Et tatayur à la base c'est un masdar qui est pris de tatayyara yatatayyaru, c'est un masdar et qui lui-même est pris du mot tayr, et tayr c'est l'oiseau. Car les Arabes, auparavant, كانوا يتشاءمون يتفاءلون بالطيور على طريقة المعروفة عندهم بزجر الطير. يعني qu'ils faisaient de la bonne mauvaise augure par les mouvements des oiseaux. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué dans les autres durus, ils prenaient des oiseaux, ils les effrayaient, et en mesure des directions que prenaient ces oiseaux-là, il disait ce que c'est bon ou pas bien. Par exemple, si l'oiseau part à droite, c'est bon signe. S'il part à gauche, c'est mauvais signe. Et quand c'est bon signe, il fait ce qu'il a à faire. En disant ça, c'est un bon signe en soi, donc je fais ce que j'ai à faire. S'il voit ça mauvais signe, mauvais augure, il délaisse ce qu'il avait à faire. وقال وأما في اصطلاح فهي التشاؤم بمرء أو مسموع. اصطلاحا, c'est le fait de faire de la mauvaise augure par une chose vue. Un oiseau, pas ou autre, ou une chose entendue. Une chose que tu vois et qui te fait ressentir de la mauvaise augure, une chose que tu entends. La falaine, un truc qui est connu chez les koufars, actuellement même, un chat noir passe devant toi. Il dit ça, c'est mauvais signe. Ou casser un miroir, ils sont disant c'est ton malheur. Ou passer sous une échelle. Ou le vendredi 13, ou tous ces machins-là, ces superstitions-là, ça rentre dans Tatayur. Taïdis, ce sont des choses qui portent malheur, sont des mauvais signes. Même se lever du pied gauche aussi. Du pied gauche, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, soi-disant. Une parole que tu entends de quelqu'un, une parole, quelqu'un dirait une parole, tu dirais, dis pas ça, ça porte malheur. Afalan. Tatayur, c'est plus général que le sens l'aura, oui. فقال فاعلم أن تطير ينافي التوحيد أو وجه منافاته له من وجهين. Que le tatayyur s'oppose au tawhid sous deux angles. الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. Que celui qui fait preuve de tatayyur, il a coupé son tawakkul et il se base sur autre chose. Les asbabs sur lesquels il se base sont les autres asbabs que Allah SWT a décrété. وثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له بل هو وهم وتخيل. Deuxième chose, qui s'accroche à une chose qui n'a aucun fondement, qui n'a aucune réalité et qui n'est que superstition et fausses idées. Donc là, ça revient à quoi ? À la règle qu'on a prise au début. Que ce tatayyur, ils en ont fait un sabab qui indique si la chose à faire, elle est bonne ou pas bonne. Est-ce que c'est un sabab que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété ? La shari ou la kouni. Donc ça revient au tafsir du début. S'il dit que cette chose en elle-même, par exemple cet oiseau, s'il part à droite, ce vol à droite en lui-même va lui nuire dans son voyage lorsqu'il a entrepris comme projet, ça c'est le shirk akbar. Et si jamais il dit que c'est une chose que Allah a décrétée, c'est une cause que Allah a faite, que s'il a mis cet oiseau ou cette chose qu'il a vue est un mauvais signe, donc de là il délaisse ce qu'il avait à faire, ça c'est shirk asra. Car il dit que c'est Allah qui a décrété cette chose-là et qui en a fait une cause. Par exemple, je sais pas, moi il voit un chat noir qui passe devant lui, il dit là, voilà, ce que je devais faire, je ne vais plus le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chat noir qui est passé. Et Allah, il a fait que si un chat noir il passe, c'est pour nous indiquer que c'est un mauvais signe. Par exemple. Est-ce que Allah, cependant, a fait ces choses-là, ils en ont fait des asbab ? Abadan. Donc, c'est, ça rentre dans ce qu'on a dit au début du livre. Et tu vois des gens, dans le tatayyur, مثلاً, il délaisse totalement ce qu'il est projeté de faire. La falaine compte partir en voyage, prépare son voyage, tout est prêt, et en partant, il voit une chose qui dit ça, c'est mauvais signe. Hey Shay, il dit ça, c'est mauvais signe. Alors, je pars plus en voyage. Il abandonne tout. Ou le contraire. Ou alors, il fait quand même son voyage, mais il a peur. Il part quand même. Et celui-là, il est moins grave que le premier. Il fait son voyage, mais il est inquiet. Donc, il dit, pourquoi t'as peur ? Avant de partir, j'ai vu telle chose, là, c'est pas bon signe, ça. Ça m'inquiète, j'aime pas ça. Mais il fait quand même, tu vois, il part quand même. Et t'en as d'autres, c'est le contraire. C'est atafa'ul. C'est-à-dire, qui voit la chose comme étant un bon signe, alors que c'est, à la base, ça n'a aucun lien avec son projet. Maintenant, tu as des choses qui, elles, sont relatives au مثلاً, au asbab kouniya. L'autre jour, on a expliqué comme quoi, comme asbab, مثلاً, l'oiseau. Les oiseaux qui viennent sur la rive. Des gens dans une contrée, ils disent que quand cet oiseau-là, il vient sur la rive, c'est qu'il y a une tempête qui arrive. Donc, il comptait partir en voyage sur son bateau. Il voit les oiseaux sur la rive. Il dit non, ça sent la tempête, ça, j'y vais pas. Ça rentre pas dedans, ça. C'est un sabab kouni. Ou comme des fois, ils utilisent les appareils pour calculer les vents, tout ça. Les baromètres ou les girouettes, toutes ces choses-là qu'ils utilisent. Qui leur indiquent que le vent qui vient, il est fort. Et qu'on partira en mer. Il dit non, là, il y a des vents forts, on partira pas en mer, c'est dangereux. Ça rentre pas dans tayyur. Car c'est un sabab kouni. Ou demain, il part, il voit. Le lendemain, il voit que par exemple, le soleil, il brille. Le soleil, le ciel, il est bien bleu. Il n'y a pas de nuages. Il dit ça, c'est un bon climat, ça annonce une bonne météo, allez on sort. Ça pareil, c'est pas tout tatayyur. Car il ne se dit pas que khalas, il ne va rien se passer, mais il se dit, il n'y a pas de signe apparent qui démontre que le temps il va être mauvais. Donc on reste sur la base, on part en mer, et on fait notre voyage, on va pêcher, on fait ce qu'on a à faire. Ça rentre pas dedans ça. Ça c'est un sabab kouni qui a été testé, qui a été démontré. À savoir que le ciel peut être bleu, le soleil brille, mais en mer ça peut aller très très vite. Ils savent très bien, ils disent ça peut changer, mais pour l'instant, il y a rien qui nous dise de rester sur la rive, donc on part en mer. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dans le sens où Allah dit, cependant, votre, on va dire, taïrukum, c'est un taïur, n'est qu'auprès d'Allah, cependant, la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est-à-dire, innahu idha ja'ahum al-bala, wal-jadab, wal-kaht, qalu hadha min Musa wa ashabihi. Fa'abtalallahu adi aqidah, biqawlihi, ala innama taïrukum indallah. C'est-à-dire que ces gens-là, lorsqu'une chose mauvaise les atteignait, ils disent à cause de Moussa ça, et de ses ashab. Et là, il dit non, tout ce qui vous parvient, ça provient de moi, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à cause de vos amel. Comme le prouve le verset par la suite où l'auteur est dit Qalu ta'irukum ma'akum, que votre ta'ir est avec vous, c'est-à-dire à cause de vos mauvais actes. Si vous arrivez là actuellement, comme ibtila et comme épreuve, Aza sabab a'malikum. Donc ne pas faire machin intelligent, ils font des actes mauvais. Ils font du char. Isbir. Ou istazin min Yasin. Salahu al-yurid sam'alak. Ils font des actes mauvais. Et après ils disent c'est à cause de telle et telle chose qui n'a rien à voir. On dit ce qui t'arrive, c'est à cause de toi. Ce que tu as fait toi-même. Ma kasabat aidiakum. Donc ça démontre quoi? Que le tatayyur était connu avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même à l'époque de Pharaon. Comme le prouve le verset, car les gens qui ont dit cela sur le peuple de Pharaon, à l'époque de Moussa alayhi wa sallam. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا تيرة ولا هامة ولا صفرة أخرجاه وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit pas de contagion, pas de tiara, c'est-à-dire mauvaise augure. Et pas de hama, c'est-à-dire hama c'est un oiseau. Ça va avec l'explication. Et pas de safar. Muttafaqun alayhi. Et Muslim l'a rajouté, et pas de na'a, c'est-à-dire les astres. Et ni de ghaula. Ghaula est pareil, on va expliquer, inshallah. طيب دونك لا العدوى هي كما قال الشيخ انتفال المرض من المريض الى الصحيح كنا بلا كونتاجيون اذا peut être dans les maladies hissiya comme les maladies connues ou معنويه comme la bid'a مثلا ou les comportements tu es influencé par les gens que tu fréquentes. جزاكم الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجلس السوء كنافخ الكير. Encore parlant de la mauvaise fréquentation, il est comme celui qui souffle dans le verre qui peut atteindre avec la mauvaise odeur ou alors qui brûle tes vêtements. Donc là la adawa, qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'adawa, c'est qu'il y a plusieurs tafsirs qui ont été faites, et parmi eux, certains que les Arabes disaient que la maladie en elle-même se déplaçait. La maladie chez quelqu'un se déplace en elle-même pour aller chez quelqu'un d'autre. Même, et ça, c'est pas le cas. Car, là, il dit l'adawa dans le sens, comme les gens on l'avaient pour croyance. L'adawa, l'épidémie en soi, la contagion en foi en soi, c'est une chose qui existe. Et des hadiths sont venus, le Nabi sallam, il a dit de quitter la terre où il y a la peste ou la lèpre. Plusieurs hadiths sont venus. Donc comment on lit entre ces hadiths? C'est tout simplement le fait que certains ont dit qu'ils sont mansoukha, qu'ils sont abrogés. Et Charles Semé dit non, c'est pas abrogé. Car on peut faire le lien entre les deux. On ne vient avec l'abrogation que lorsque on ne peut pas faire de lien entre les hadiths. Et là on peut. C'est que les gens avaient pour croyance que la maladie se déplaçait d'elle-même. comme si elle choisissait elle-même qui elle contaminait, vers qui elle allait. Donc elle a dit la adawa. Cette croyance n'existe pas. Elle n'existe pas. Thumma qal wa la tiara. Tiara c'est tatayur, comme on a pris au début, ce qui est la mauvaise augure. Wa la hama. Hama à la base, c'est un oiseau qui ressemble au hibou. En arabe, on dit ça un bouma. Et les arabes, comme le cheikh le dit dans son charh, disaient que lorsqu'une personne était tuée, une personne avait été tuée, que ses ossements prenaient la forme d'un hibou et volaient dans les cieux. Ou certains avaient pour croyance que l'âme de cette personne a tué, c'était ce hibou. Un peu comme la croyance que les gens ont avec les fantômes aujourd'hui. Donc il dit, cette croyance-là, elle est fausse. Le hama, il existe, c'est un oiseau qui existe. Mais quand il dit la hama, c'est comme adawa. C'est, il n'y a pas cette croyance-là que vous avez par rapport à ça. Également, certains disaient que lorsque le hama venait sur le toit d'une maison, il se mettait à ululer, cela était pour eux un mauvais signe. Qu'il allait avoir un malheur. Ou que la personne allait bientôt mourir. Ça rend quoi de tatayur. Une forme de tatayur. Et ça te fait songer à l'expression qu'on trouve aujourd'hui chez les koufars qui disent quoi? Oiseau de malheur. T'as déjà entendu ça? Ça revient à ça. Comme les corbeaux, comme le hibou, les oiseaux comme ça. Oiseau de malheur, c'est-à-dire oiseau qui donne un mauvais signe. Ça revient au tatayur. Donc tu vois, tout ça c'est lié jusqu'aujourd'hui, on le trouve chez les gens. Même chez les koufars en France. Dans les expressions. Ils voient des oiseaux, ils disent ça c'est mauvais signe. C'est vrai les alikas. On fait quoi les voilà, safar. Il y a plusieurs explications qui ont été faites. Parmi elles, que c'est le char de safar. Que les Arabes avaient mauvais augure en ce mois. Surtout pour le mariage. Ils ne voulaient pas se marier au mois de safar. Ils disaient que se marier au mois de safar, c'était mauvais signe que le mariage n'aurait pas de baraka dedans. Ça allait mal se passer. Il était dit également que c'est un dafi botn yusibu al-ibil yintaqil min ba'il ila akhar. Que c'est une maladie qui est dans le ventre du chameau et qui se déplace d'animal en animal, de lui-même. Et là, ça reviendrait à quoi? Au sens de adawa. Au sens de al-adawa. Après, il citait une autre explication, mais il dit qu'elle est faible, donc on ne va pas la citer. Mais les plus fortes dites sont celles-ci. La safar, c'est-à-dire pas de croyance que le char de safar, c'est un mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a nié ces quatre choses-là qui sont al-hama, al-adawa, wa-tiyara, wa-safar, il ne veut pas dire que cela n'est pas présent, mais qu'il ne faut pas y croire, en fait. Car ces choses-là sont présentes. Le hama, l'oiseau, il existe. Al-adawa, la contagion, ça existe. Al-tiyara, il n'a pas d'effet, mais ces choses dans le cœur des gens, il existe. Et Safar, ce moi, il existe. Je veux dire quoi par là? De ne pas avoir ces croyances erronées que vous avez en ces choses-là. Adawa kosdohu. Et Muslim l'a rajouté Wala Nawa. Nawa, ce sont les astres, les planètes. Et Shiri dit également Yaya Manazil Kamar. Yaya Faman ou Ishrun Manzila. كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة. Ils sont également les, apparemment, je ne sais pas si on pourrait dire les phases lunaires ou j'ai pas bien compris ce qu'il veut dire par là. Et elles sont 28. Et chacune est une étoile qui est liée par rapport à l'année. Je ne sais pas s'il fait allusion aux constellations. Al-Muhim, que c'est Nawa, ces astres, ne causent pas la venue de la pluie. Car des gens, ils avaient ça comme croyance que Nawa, kana yumtir, sabib al-matar. Déjà, fait hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, salat bin nas, salat al-fajr, ba'd al-matar, thumma qala, et adoulou de ma qala rabbukum, qalou, Allah wa rasoulou a'lam. Fainou qala, أصبح من عبادي مؤمن بي وكافل بالكوكب. قال فأما من قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافل بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله كذا وكذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب. Qui l'a dit, après une nuit de pluie, un matin après la salat, il s'est retourné vers les gens, il a dit, savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Il a dit que certains de mes serviteurs sont devenus croyants, qui croient en moi, et d'autres ont mécru en moi. Ceux qui ont dit qu'il a plu par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, ceux-là croient en moi et mécroient aux planètes. Et ceux qui ont dit qu'il a plu par la cause de la planète, au désastre, celui-là a cru aux planètes et a mécru en moi. Donc des gens attribués, Fadl al-Matar, il est un no. Nabi Sallam, il a dit non, il n'y a pas ça. Le Matar, il ne vient que par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme le prouve le hadith, qui explique clairement la chose. Et dans le hadith, dans le Muslim, il a rajouté également Wala Roula. Wala Roula. Elle roule là. J'ai eu une traduction, elle m'a paru un peu étrange. Ils l'ont traduit comme étant un monstre. En fait, qala al-arab kanu iza safaru wa dhahabu yaminan aw shimalan talawanat lahum shayatin bi alwan mufazzi'ah mukhifa fa tudkhil fi qulub al-ru'b wal-khawf fatajiduhum yaktaibuna ويستسحرون عن الذهب إلى هذا الوجه الذي أراده وهذا لا شك أنه ضعف أو يدعف التوكل على الله. Donc il dit que les Arabes, lorsqu'ils partaient en voyage à droite ou à gauche, les shayatines venaient et émettaient des couleurs, prenaient des formes de couleurs qui effrayaient les gens, et cette peur dans le cœur des gens, et de là, à cause de ces couleurs qu'ils voyaient ou quoi, ils délaissaient leur safar, leur voyage. Ça rend notre tailleur. C'est-à-dire qu'il leur faisait apparaître des choses qui les effrayaient pour les dissuader de partir. Donc là, le fait de dire monstre, j'ai pas compris le rapport. Par rapport à ce que Cheikh Al-Famine il a expliqué. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولاهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تيرى يعجبني الفعل. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. Qu'il a dit selon Anas sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit pas de adawa, c'est-à-dire contagion, ni de tiara, et j'aime le fa'al. Ils ont dit qu'est-ce que le fa'al? Il a dit la bonne parole. La bonne parole. وقال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر والصواب هو عروة ابن عامر قال ذكرت التيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل فلا تردوا مسلما فإن رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Qu'il ait dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui fut cité auprès de lui, At-Tiyara, et qu'il ait dit, la meilleure des choses, c'est le fa'al, c'est-à-dire la bonne parole, comme le hadith d'avant l'expliquait. Et que justement, ce Tiyara ne doit pas repousser un musulman dans ce qu'il a entrepris. Si l'un d'entre vous voit une chose qui lui déplaît, alors qu'il dise, oh Allah, le bien ou les hasanats ne viennent que par toi. Et nul ne repousse ses yettes, une mauvaise chose, ce n'est toi. Et pas de puissance, de force, ce n'est par toi. Et ce n'est par toi. Donc là, il fait allusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fa'al. Le fa'al, c'est la bonne parole. Car ça revient au contraire du bab qu'on a pris hier, qui est hier ou. Non, avant. Dans Sihr. Kulna inna. De l'éloquence, il y a la sorcellerie. C'est-à-dire, les gens, par tes paroles, tu peux influer sur eux. Et maintenant, c'est le contraire. Une bonne parole peut rassurer, peut apaiser. Quand elle est bien utilisée dans le khayr, dans le tajji', el hif ala ala taqaddum fi l'umour et tayyiba, les bonnes paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime cela. Quelqu'un, tu le rassures, tu l'apaises, ça rentre dans le fa'al. C'est le contraire. Par exemple, demain, quelqu'un, t'as envie de faire une chose, t'es un peu indécis, ou quelqu'un, il vient, il te fait un rappel sur le fait de telle et telle chose, la salaine, la récompense que tu peux en tirer, l'exemple de ceux qui l'ont fait avant toi, comment ils en ont profité et tout, tu dis, ah, alhamdoulilah, je vais le faire. Cette chose-là, je vais la faire, alhamdoulilah. Ça, c'est du fa'al. Il t'a rassuré, il t'a encouragé à faire une chose qui est bien. Alors que le contraire, le tiara, c'est peut-être le contraire. Sauf que le tiara est basé sur rien. Alors que le fa'al, il est basé sur des choses qui sont réelles. La bonne parole. Kelimat tayyiba. Un petit exemple, me semble, la hijra. On a combien la hijra, ils veulent la faire. T'en as, ils viennent leur dire la parole, ils les découragent. Et achine, attention, ne te précipite pas. Sois bien, regarde dans quoi tu t'engages. N'a plus son parti, son revenu. Arrête, t'as pas assez d'argent avec toi. Tu vas mettre ta femme et ta famille, et tes enfants en galère. T'es, attention à ce que tu fais. Ta mère va être triste. Tu vas séparer ta mère ou ton père. Si tu pars, tu vas leur faire darwa. Un tête de parole. Regarde, un tête de parole. Et après, il faut des papiers. Il faut l'ikama. Il faut kaza. Il faut kaza. Pars pas comme ça. Le frère, il est prêt à partir. Il a ce qu'il faut. Shalan. Et les gens, ils viennent, ils nous découragent. Il se peut qu'après, ils disent, ah, c'est vrai. Il y a le précipité, là. Khalas, il se pose. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il part plus. T'en as d'autres, c'est le contraire. Il dit, moi, je veux partir. J'ai de quoi partir. Mais j'hésite. Et il pense la même chose en lui-même. Ma mère, je vais laisser toute seule. Ou mes frères, qui c'est qui va aller leur faire nasser si je pars. Ou mes enfants, je crains pour eux là-bas qu'il n'y ait pas un système qui leur convienne. Ou si on tombe malade, comment on va faire? Si j'ai pas les papiers, comment je vais faire? Et un frère, il vient avec le fa'al. Il rappelle le faute du hijra. Les ayats qui viennent dessus. Même les ahadiths qui sont venus dessus. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, les sahaba ils l'ont fait, que la puissance n'est venue qu'après la hijra et tout ça. Il le rassure. Il donne l'exemple d'un tel, qui est parti avant lui. Alhamdulillah, dans sa hijra, il a stafad. Ou un qui est parti. Et même s'il est mort, on meurt tous un jour, il est mort en terre d'islam, muhajir. Il a un âge qui est énorme. Et le frère, ça le motive. Ça rend dans le fahl, ça. Et après le frère dit, khalas, c'est bon, je vais partir. L'autre, il lui dit, t'as tout ce qu'il faut pour partir? Il dit, à la base, j'ai tout, c'est juste moi, j'ai des wasawis, tu vois. Là, il encourage. Maintenant, s'il y a des choses qui l'empêchent de partir, c'est autre chose. Des raisons justifiées, qui le freinent à partir. Là, c'est autre chose. Mais là, le frère, il a tout pour partir, alhamdoulilah. Après, juste, il a un peu peur. Il entend des akhbar qui lui font peur. Fulan, il est revenu. Fulan était en prison. Fulan, il a eu ci. Fulan, il a eu ça. Kaza, kaza, kaza. Ça le décourage. L'autre, il le motive. Le frère, alhamdoulilah, barakallahu fik, tu m'as rassuré. C'est bon, je partirai quand même. Et il est parfait. Tawakkal. Après, c'est ce qui se passe. C'est là le décret que tu dois revenir. Mais au moins, là, il a vu que tu auras essayé. Là, tu n'as même pas essayé, tu veux déjà, tu te décourages. Essaye déjà. Tu n'as rien qui t'empêche de partir là. C'est que des aouham, des choses qui sont arrivées à des gens, que Allah l'a qadar pour eux, peut-être pas pour toi. Saddal, taqaddam, il le dit. Le frère, il part. Alhamdoulilah. Donc, les bonnes paroles, ça influe énormément sur les gens. وقال عن ابن مسعود مرفوعا التيرة شرك وتيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. Et donc il a dit صلى الله عليه وسلم selon ابن مسعود, et en réalité le kalam c'est celui de ابن مسعود. Il dit le tiara c'est le shirk. Le tiara c'est le shirk. Il est mort, c'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La fin du hadith. Et il a dit qu'il n'a aucun d'entre nous sans qu'il ne soit atteint par le tiara. Cependant, c'est Allah qui nous fait partir avec le tawakkul. Cette partie-là du hadith, le Tirmidhi, il dit que c'est le coup de Ibn Mas'ud. Ça veut dire quoi? Le shirk, on a expliqué comment c'est le shirk, tiara. Quand on fait une cause qui n'est pas une cause. Alors, ça peut être Akbar, ça peut être Asghar. Et il le dit bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a tout ça en nous, des choses. Des fois, on voit une chose, on dit, ça, je ne le sens pas, ça. Alors qu'il n'y a rien du tout. Il dit, c'est quoi qui fait partir? C'est tawakkul ala Allah. Et ça, c'est le calife de l'Ibn Mas'ud. C'est-à-dire, toi, fais ce que tu as à faire. Regarde pas ces faucines. Délaisse-les. La tatafit ilayha wa tawakkul ala Allah wa mshi. Toi, tu vas de l'avant. Tout ce qui n'a pas été rendu seul par Allah, tu ne fais pas attention. Et pars. Fais ton projet. En même temps que tu n'as pas de barrière devant toi réelle, fais ce que tu as à faire. Ah, va où. Donc, il faut du tawakkul. Et le tiyara, comme quand les chefs du bidaya, le nafi tawakkul, ça s'oppose au tawakkul. Donc, au tawhid. قال المؤلف ولي أحمد من حديث ابن عمر وابن عمر من ردته التيرة عن حاجتي فقد أشرك وقالوا فما كفارة ذلك قال أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا تيرة إلا تيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل ابن عباس قال إنما التيرة ما أمداك أو رداك. Donc selon Ahmed, ou pas, apporté par Ahmed, selon Ibn Amr, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont le tiara l'a fait désister de son, l'a repoussé de son projet, qu'il a abandonné ce qu'il avait à faire, de son besoin, il avait du shirk. Et ils ont dit, et c'est quoi la kafara, l'expiation? Il a dit que vous disiez, oh Allah, pas de bien si ce n'est ton bien. Et pas le teir si ce n'est ton toil. C'est-à-dire pas d'oiseau à part ton oiseau à toi. Et il dit, c'est quoi la kafara de cela, l'expression? C'est de dire qu'il n'y a de bien que le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y a de teir. Là, il veut dire par là l'oiseau en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oiseau qui indique quoi que ce soit comme mal ou comme bien. L'oiseau, c'est l'oiseau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'agit que selon le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah l'a décrété. Et qu'en rien, cela n'indique un bien ou un mal. Abadan. Il y a d'autres ma'ani cités. Ah oui, j'ai oublié la fin du hadith. Et pas de divinité en dehors de toi également. Donc ça rappelle à quoi? Celui qui a du tira, c'est quoi le rappel? C'est le tawhid. C'est le tawhid qui vient pour repousser cela. Tawakkul ou le rappel. Et dans le hadith de Fadl ibn Abbas, qu'il est dit que le tira, c'est soit ce qui t'a repoussé ou soit ce qui t'avait continué. Dans quel sens? Dans le sens qu'il a fait ce tira un sabab. De bien ou de mal. Comme on l'a dit au début. Soit il avait une chose de mal qui l'a repoussé, ou il avait une chose de bien à ses yeux, bien vu, qui dit khalas, ça c'est un bon signe, j'y vais, je le fais. On dit non. Maintenant, c'est vrai, dans les choses, tu as des signes qui sont bien, des signes qui sont mauvais. Par exemple, quand tu fais istikhara pour le zawaji, pour te marier, mathalan, tu demandes à Allah de te montrer si aimer c'est une bonne ou une mauvaise chose. Après, tu as des signes qui viennent. Les signes, c'est pas forcément. Comme les gens s'imaginent, ça peut être, en fait, tout ce que tu entreprends, ça n'aboutit pas. Tu te maries avec une sœur et à chaque fois, il y a un problème, un obstacle. Et l'autre se ferme, ainsi de suite. À chaque fois, il y a un problème. Ça repousse, ça repousse. Et après, dans ton cœur, tu ne sens plus l'envie de... C'est pas que tu as vu un oiseau, tu dis, oh, l'oiseau, il va droit, là, ça n'allait pas bien. Là, tu es dans le tir à ta main, man. Ce sont des choses concrètes devant tes yeux que tu vois, qui te montrent que à chaque fois, tu as un obstacle. La chose est compliquée, alors que le tirer à l'heure, c'est que Allah te facilite la chose. Et là, tu vois, à chaque fois, c'est difficile. Ça n'aboutit pas, ça te fatigue. Au bout d'un moment, ça te démotive. Tu dis, khalas, j'en ai plus envie. C'est même pas, tu dis, ouais, le mariage il va être mauvais, c'est que t'as plus envie en fait. Tu es démotivé, t'as pas cet horreur-bas que t'avais au début. Ou la sœur, pareil. Tu fais ce tirara, ou même autre chose, un commerce, un projet que tu veux faire, et tu vois qu'à chaque fois ça aboutit pas, et tu dis, j'ai plus envie de faire cette chose-là. Ça motive plus, j'ai plus la himma. Et voilà. Dans ton cœur, Allah l'a fait que, et ce tirara t'a répondu, cette chose-là t'apportera pas un bien, donc. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette chose-là a été éloignée de toi. Non. قال المسائل في مسائل الأولى التنبيه على قوله أينما طيركم عند الله مع قوله طيركم معكم qui est la mise en évidence de la parole d'Allah dans le sens où il dit que votre ta'ir n'est que auprès d'Allah. Et là, l'autre parole où il dit votre ta'ir est avec vous. On expliquait. La première chose qui vous arrive, c'est que Allah l'a décrété. Deuxième chose, ce qui vous arrive comme mal, c'est à cause de vos actes à vous-même. La thania, nafi, al-adawa. Ce qui est l'épidémie. Comme les gens la concevaient, elle a été reniée. Thalitha, nafi, al-tiara. Que le tiara a été renié, kazalik. Arabia, nafi, al-ham. Al-ham, c'est l'oiseau. Comme le hibou, ou kazalik. Que cela a été renié, kazalik. La croyance qu'il y avait à avoir au hibou n'existe pas. Al-khamisa, nafi, al-safar. La superstition que les gens ont dans le monde de Safar, Gaalik. Kazalik, elle est délaissée. Les preuves que cela n'est pas vrai. Sadisa, an al fa'l laysa min zalika, bel mustahabun. Que le fa'l, qui est la bonne parole, ne fait pas partie de tiara. Mais c'est une chose qui est mustahab. السابعه تفسير الفعل كيف يجي الفعل كلمات طيبه la bonne parole الثامنه ان الواقع في القلوب من ذلك ما كراهته لا يضر بل يذهب الله بالتوكل une chose qui vient dans ton cœur pour te faire désister te décourager une chib tiara ça ne te nuit en rien si toi tu vas de l'avant c'est-à-dire tu ressens ça dans ton cœur mais tu le combats et le tawakul va le supprimer et toi tu avances c'est comme un peu le riya qu'on a pris au début tu te rappelles le riya quand il rentre malgré toi tu le repousses ça c'est pareil il vient en toi tu le repousses التاسعه ذكر ما يقول من وجهه من وجده qui doit dire celui qui trouve cela en lui العاشره التصريح بان التيارا شرك que il était dit clairement que le tiara c'est le shirk ou akbar ou asghar tiara nous dit c'est quoi la mauvaise augure الحادي عشر تفسير التيارا المذمومة c'est quoi le tiara qui est blâmé هذا هو الباب الذي اخذنا اليوم qui est ما جاء في التيارا qu'on appelle la mauvaise augure ou mauvais présage ou ce qui ressemble ما فهم هذا فإلى هنا والحمد لله رب العالمين